je n'ai pas la mémoire de mes amours, mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange. Je n'ai pas la mémoire de tes amours, oh mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange. Je ne me souviens pas de ma naissance, de ma naissance, ni de mes premiers pas dans l'existence. J'ai complètement perdu la trace du temps, de l'au-delà. Aucun souvenir des espaces où j'ai vécu déjà. J'ai oublié les nuits de la souffrance, de la souffrance. Ce mélange de cris et de silence, et les longs couloirs d'hôpital qui vont vers le supplice. Il ne me reste plus du mal que quelques cicatrices. Je n'ai pas la mémoire de mes amours, mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange. Je n'ai pas la mémoire de tes amours, oh mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange. J'ai oublié le ton de la vengeance, la vengeance, et le son du clairon de la revanche. Ils sont partis tous les débiles de mon carnet d'adresse, avec les noms des imbéciles qui peut plaire ma jeunesse. Je n'ai pas de mémoire, mais je suppose, je suppose que c'est la même histoire, la même chose. Pour cette pauvre humanité qui s'enfin recommence au long de son état, la même indifférence. Je n'ai pas la mémoire de mes amours, mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange. Je n'ai pas la mémoire de tes amours, oh mon ange. J'ai perdu la mémoire et ça m'arrange.